One, two, three, four. Génération 60s avec Mike Lécuyer sur Blues Café Radio. Going back in time on the sounds of the nation, it's the Caroline Flashback. Dick Taylor fut le premier bassiste historique des Rolling Stones. Puis il les quitte et en 1963, il passe à la guitare 6 cordes et il crée The Pretty Things. En 1964, ils sortent leur premier single, Rosaline. Et puis en France, en 1965, le fameux EP avec Don't Bring Me Down, Rosaline, Big Boss Man, We'll Be Together. Oh, ça, c'était dans la lignée des Rolling Stones et autres Woo apparaissaient également. Voici donc Rosaline, premier disque des Pretty Things. Ah, cet album des Yardbirds, qu'est-ce que je l'ai usé sur mon tourne-disque dans le 14e arrondissement, près de Montparnasse. Oh là là, quel de souvenirs. Oui, les Yardbirds, c'est un groupe britannique et surtout connu pour la pléiade de guitaristes solistes qui se sont succédés. Il y a eu Top Topham, c'est-à-dire le premier historique, ensuite Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page, vous vous rendez compte? Ça a commencé en 1963. L'album dont je vous cause, Over Under Sideways Done, est paru en 1966. Et je vous propose de découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce fameux Over Under Sideways Down, les Yardbirds, yeah! Hey!

Il est commun de dire que Bob Dylan a électrifié son folk après avoir entendu les Byrds jouer Mr. Tambourine Man à la guitare électrique. C'était leur premier 45 tours en 1965 et ça a été une grosse, grosse révolution. Ensuite, ils ont créé d'autres morceaux très, très intéressants, beaucoup d'albums surtout. Et puis, un nouveau tube en 1967 qui est devenu un espèce de standard repris par plein d'artistes, comme Patti Smith, par exemple. Et ça s'appelle « So you want to be a rock and roll star », les Byrds. Exactement 30 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Dans exactement 28 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.